Jeffener, Barberousse, Frangin, Toxine à la prod. Y'a autant de cachetons dans ma street, que de fâches dans ma street. Même si le cash est en la stream, mais crache dans moi street. Tu vois les normes sont drastiques, de mariole s'embrasse, dit. Dis pourquoi la mort en bastille, le baril s'embrasse, dit. La merde ton crew nous la vendra, des piliers de bar ne s'amusent. Qu'avec un trou dans l'avant-bras, déplié par le SAMU. C'est plus de poisson dans la soupe, d'oiseau dans la soude. Gros, trop de poisson de l'assaut, de poisson dans la soude. Ces calages se confinent, l'effet domino. Dans ces cas-là, ben ces calages se confinent, et c'est domino. C'est domino. Trop de fils faibles accès domine. Trop de vices freinent, trop de vices et frères classés domine. Ni loup, ni d'or à deux trois cordes, bijoux et milou. Des nids d'or, des filous de poids coq qui jouaient milou. À mille, j'arrêterai le décompte, le monde dans cette baraque. Des qu'un ramasse de con que mon nom de scène barra. J'ai trouvé bien trop de Charlie, des charlots dans la manif. Et si ma violence te charrie, des charlots dans la manie. Faut des testicules, n'est pour bras, c'est douille à terre. Rouille à terre, la paix gesticule, mes pommeras, c'est couille à terme. Y'a trop de clébards en Espagne, trima en Vespa. De pépards en Espagne, crime et crima en Espa. Le temps change d'avis, c'est de naissance à malheur. Fais-toi vite, parce que prendre ta vie, c'est de naissance à la leur. T'es l'overdose, parler d'amour, tu le fais bien, c'est cool. Moi de l'overdose, arrête ta moue, tu sais le mien, c'est cool. Le crâne entrant dans ma chair, crame ce que le monde nous a donné en drame entrant dans ma chair. T'es l'overdose, parler d'amour, tu le fais bien, c'est bien. Moi de l'overdose, arrête ta moue, tu sais le mien, c'est le tien. En fait, tu rappes, fais sa causette, tu râles. Le monde ravitaille en drame, sa dose. Pas besoin de lui faire trop dommage, la galère est adhésive. Ciblé par le taux de chômage, dans le quartier, on adhésif. Vu que mes ailes se résignèrent, loin des îles et des hivers light, sans quitter l'Isère, je voyage sur Resin Airlines. Va leur croix gammée, fais ta vie en parésiste. Veulent pas voir ta femme voilée, mais ta fille en parésie. Beaucoup trop de guerres obscènes, passe le bédo vite. Or, trop de frères au ciel pour trop peu de pédophiles morts. Ça dépend en trans, y'a trop de messages en italique. Manque de Benzema en France et trop de cris de singe en Italie. Sniff ta hive sans vitamine, t'es trop frêle et t'as le nez pris. J'peux pas dire que j'en vis ta ligne, mais refrais, qu'est-ce t'as maigri. Merde, pour le mental aigri, mec. Overdosé de haine et de mépris, je rêve de voir tous mes frères poser. J'ai trop le zen dans les problèmes, le molar est vert colère, de l'air polaire dans les molaires, le rêve au large et l'herbe aux lèvres. On met le feu, le bras, lève-le. Oh, smerde nerveux Jeff, ah, never change, bro. Dicave le ring, Totro, s'écrase le clit. Oh, rien de grave, on pique, grave le pit, grave de Xinto. Oh, j'crois qu'on a mis trop de sauce. Toujours trop de mythosus. Le monde est peut-être connecté, mais j'ai pas le Microsoft. Ancien comme dinosaure. Bouffe, t'as qu'à le googler. Remballe tes coups de gueule, ouais, y'a trop de philosophes. T'es l'overdose, parler d'amour, tu le fais bien, c'est cool. Moi de l'overdose, arrête ta moue, tu sais le mien, c'est cool. Le crâne entrant dans ma chair, crame ce que le monde nous a donné en drame entrant dans ma chair. T'es l'overdose, parler d'amour, tu le fais bien, c'est bien. Moi de l'overdose, arrête ta moue, tu sais le mien, c'est le tien. En fait, tu rap, fais sa causette, tu râles. Le monde ravitaille en drame et sa dosette te tuera.